Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser bien le cri de joie? Amen. Alléluia. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous avons choisi la bonne maison. Il y a des maisons quand tu y entres, on te dit tu ne dois pas rester ici. Il y a des maisons quand tu y entres, on te dit cette maison n'est pas favorable à toi. Mais il y a des maisons, quand tu entres dans cette maison, celui qui t'accueille dans cette maison, il te dit moi je t'aime. Celui qui te dit dans cette maison, moi je t'accueille. Celui pour qui tu es venu chercher ce matin, lui il te dit il est le véritable et le Père. Pendant qu'on invite la trompette, nous continuons notre louange avec la trompette. Nous nous tenons également debout pour célébrer le Seigneur ensemble avec eux. Nous acclamons quand ils avancent. Nous acclamons quand ils avancent. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut exagérer avec les acclamations. Nous voulons célébrer ensemble ces bons jours de dimanche. Toye le loyo, toya koyembe, toya le kibiso na nyonso. Toye le loyo, toya koyembe, toya le kibiso na nyonso. Aki aya supenza Oyeleloyo Oya koyembe Oya leki biso nanyo Tatu wanyi misambu ya banye Oyeleloyo Oya koyembe Oya leki biso nanyo Mote bananga kasi na kokite Oyeleloyo Oya koyembe Oya leki biso nanyo Est-ce qu'on peut célébrer ensemble? Oyeleloyo Oya koyembe laka, oya le kibiso na nyonso. Jésus, toyele loyo. Oya koyembe laka, oya le kibiso na nyonso. Akia Yesu comprendre. Toyele loyo. Oya koyembe, oya le kibiso na nyonso. Tatu wanyi misambu ya banye. Toyele loyo. Oya koyembe. Oya le kibiso na nyonso. Et puis son vrai nom, depuis l'éternité, moi j'ai l'appelé la parole. Pourquoi la parole entre fils et les pères, tous les deux sont le même sort. Accueille sous présent. Lelo. Oya koyembe, oya le kibiso na nyonso. Tatu wanyi misambu ya banye. Lelo. Oya koyembe, oya le kibiso na nyonso. Kotia ye ligana yo na yo. na yo na yo kotia ye liki na yo na moto mbakili yo te yene me hey yesu Bato nyoso ya mokiloyo balinga kakofanda na bato na tango ya bisengo na tango ya bisengo na tango pasi bato babwakisaka bato toyoli yo moninga moko oyo abwakisaka bato te hey yesu oh bien aimé Ata Biblia e boi e bisi biso boye maudit soit celui qui sait yo liboso ya koyemba na ngai sengeli ngai na pambola na pambola na sengeli ngai na pambola na pambola na pambola na pambola na ngai liboso ya koyemba na ngai sengeli ngai na pambola na pambola na pambola na pambola na ngai Apocalypse 17 3 jusqu'à 17 oya pandi na ngwende ya ngwende ya kokonzi na ye et puis 13 à 8 il est le spécialiste dans les cas impossibles ah yesu na ngaye kozo senga papa moko kozo senga mama moko oya zola na nga pesa kazambe confiance confiance ya ko pesa bato ezala kaka ya deception zela kaka yesu motema yesu wakisaka moto te akosala mwana bitike akosala bapasi na yo elakaka yesu motema yesu wakisaka moto te udimunga mulume eyitikule buzebuzebuzebuzebuzebuzebuze Yeah. Est-ce que le Seigneur Jésus peut recevoir tes acclamations ce matin? J'étais en train de dire, est-ce que le Seigneur peut recevoir tes acclamations ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Alléluia. Pendant que la grande chorale nous donne aussi une louange de 5 minutes, nous louons tous ensemble avec ceux-là qui sont venus après notre premier louange. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On loue ensemble avec la grande chorale. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la gloire de notre Seigneur? Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux pousser les cris de joie. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Yahweh, oh oh. Jésus. Il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Jésus, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Yahweh, oh, oh. Jésus. même, il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Yahweh, oh. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, panche le konan alora. Bako yemba osana. Yango mote mananga ebi. Yeso zalizambe. Oyo batu basalaka te, esi osalaka yango. Yango mote mananga ebi. Yeso zalizambe. Oh, kisalue. Alleluia. Kisalue. Amen. Oh, kisalue. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Oh, kisalue. Alleluia. Kisalue. Salue, alléluia, alléluia. Oh, aku mama, Yesu aku mama, na bomoi nanga, aku mama Yahweh. Aku mama, Kolo Yesu aku mama, na bomoi nanga, aku papa aku mama na yo. Aku mama, Yesu aku mama, na bomoi nanga. Si si beche kabina nai tikana tsombola yo yaya nasengi zambe oku mama le mwa sika motema nanga Yesu kolo Yesu nanga yawe o papa oku mama na yo kolo Yesu nanga si si beche kabina nai Tikana tumbola yo ya ya Nasangi zambe yo kumama Loe mwasika motema na na ye Aku mama Kolo Yesu nana Aku mama Yawe oh Boi na Yawe Aku mama Papa kumama na ye Aku mama Kolo Yesu nana Kolo Yesu nana Aku mama Aku mama Beta mololo mololo Yemba bolingo na ngana Yesuwe, bolingo ya sukate o. Bolingo ya ngana Yesuwe, bolingo ya sukate o. Azalate na zalando ina ye, boha mi pesa bona ngai. Bolingo ya ngana Yesuwe, bolingo ya sukate o. Baina ebi Yesu yoza mukomote, onimako kufela ngai. Bolingo ya ngana Yesuwe, bolingo ya sukate o. Yesu na ebi Yesu yoza mulubate. Olinga koku fela ngai Kolo Yesu bafeta ki opona ngai Zota bobi mama sambu isa opona ngai Ina sae koni na eba na na zambe o Ina sae koni na eba na na zambe o Ina sae koni ngai na eba na na zambe Oh wamilele wamilele Oh, la paix, de Jésus à tout le monde. La paix, de Jésus à tout le monde. Oh, la joie, de Jésus à tout le monde. La joie, de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Alloué, loué. Money. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Il est préférable que l'on soit dans sa présence. La Bible nous dit dans Jean 4, le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs Jésus adoreront le Père en esprit et en vérité. » Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a un adorateur qui peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Je reconnais. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui peut se présenter comme cet adorateur devant ses yeux? Je reconnais tes bienfaits pour adorer ses yeux en esprit et en vérité. Seigneur, je me tiens devant toi pour t'adorer. Est-ce que ce matin il y a un esprit ce matin, je suis qui va monter devant ses yeux, pas comme un humain simple, c'est pourquoi ce matin, mais comme un esprit toi, Seigneur, qui va adorer ses yeux en esprit et en vérité? Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui peut prendre ce titre, ce grade, ce qu'il est, pour monter devant ses yeux? Est-ce que ce matin il y a un homme qui peut se tenir à la presse et dire: Seigneur, me voici comme cet adorateur qui va t'adorer ce matin en esprit et en vérité? Est-ce que ce matin, est-ce que tu es là pour adorer ces yeux en esprit et en vérité? Refuse ce matin de le faire comme ce que tu. Je reconnais. Est-ce que tu peux monter en prière que tu ce peux matin? Tout. Le Seigneur a besoin ce matin d'un adorateur véritable. Impossible. Ce matin, le Seigneur a besoin d'un adorateur qui le fait bien, qui le fait en esprit, qui le fait en vérité. Que tu peux tout. Est-ce que tu peux mettre de côté ta personne? Que rien n'est. Est-ce que tu peux mettre de côté ce que tu es? Est-ce que tu peux commencer à monter? Est-ce que tu peux commencer à monter? Est-ce que tu peux commencer à monter? Mets de côté ta personne. Mets de côté ce que tu es. Le Seigneur a besoin d'un adorateur ce matin. Celui qui le fera pas seulement en intelligence, mais qui le fera en esprit. Ce matin, n'attends pas un chant, monte ce matin. Tu es venu rencontrer le roi de rois. Tu es venu rencontrer le véritable Père. Tu es venu rencontrer celui qui a la vie. Que tu peux tout, tu peux tout. tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Dans la présence des cieux, les choses sont impossibles. Dans la présence des cieux, les choses peuvent être impossibles. Mais dans la présence du roi des rois, les choses sont possibles. Est-ce que tu peux monter ce matin? Au-dessus de tout nom, Seigneur. Les noms qui nous donnent la force. Les noms qui guérissent les malades. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus qui a permis à ce que nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour parler de sa part. Et nous disons une fois de plus merci à notre papa de là où il est, qui reçoit nos bénédictions. Pour cette opportunité qu'il ne cesse de nous accorder. Wajila wakati tena anatupatia asubuhi ya leo. Car il nous fait confiance et nous associe à l'école de la parole. Na natuwekea tumaini na kutuingisha katika shule ya neno lake. Au collège des anciens nous disons merci. Kwa baraza la wazee tunapika asante. Ainsi qu'au diacre et tous les serviteurs. Kwa washemashi pia na watumishi wote. À toute l'église nous vous bénissons. Na kanisa yote mzima tunawabariki. Amen. Amen. Nous avons lire deux textes. Na tutasoma mausomi yetu mbili. Premièrement, nous allons lire dans Daniel 11, 32, qui est pratiquement le texte de l'année. Na tutasoma Daniel sura yake ya 11 yenye nakuya. Si la technique peut nous aider pour un peu accélérer. Alomba kwa fundi mitambo kama nakuwa tayari. Il séduira par de flatterie le traître de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Cette tête concerne le thème annuel. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Nombre 14, 1 à 9, qui est pratiquement le sous-thème qui nous a été donné ce matin. Tunasoma kitabu kia Hesabu sura yake ya 14, yenye nakuya shina ndogo, yenye tazungumuzia asubuhi ya leo. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. La mosandiko yote mzima ikapaza sauti na ikapika kelele. Et le peuple pleura pendant la nuit. Na taifa ikalia kwa kadiri ya usiku. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Watoto wa Israeli wakanungunika kwa ajili ya Musa na Aruni. Et toute l'assemblée leur dit. Na makutano yote mzima ikawaambia. Que ne nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ingekuwa vizuri tupate kufa katika nchi ya Misri. Ou que ne sommes-nous morts dans les déserts? Kuliko kufia katika jangwa hii. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Kwa nini Bwana anatuendesha katika nchi hii? Où nous tomberons par l'épée? Kwenye tunaweza kuanguka kwa kupikwa mpanga. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ili wabibi yetu, watoto yetu, watakuwa kama mateka. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Sio kiema kwetu turudi ku Misri. Et ils se dirent l'un à l'autre. Wakasemezana wamoja na wengine. Nommons un chef. Tuweke mwenye mkubwa mbele yetu. Et retournons en Égypte. Na turudi mu Misri. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Musa na Aruni wakainama juu ya uso yao. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Mbele ya makutano yote watoto wa Israël wenye kusanika. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné. Katikati ya wenye kupeleleza inchi Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefuna. Déchirèrent leurs vêtements. Nao pia wakapasula mavazi yao. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Na wakasema basi hivi kwa wana wote wa Israeli. Le pays que nous avons parcouru. Inche nyamba tuliweza kupeleleza. Pour l'explorer. Jua kuweza kuyapeleleza. Est un pays très bon. Ni inchi nzuri. Excellent. Ya tamani kabisa. Si l'Éternel nous est favorable, kama Bwana ni kupande wetu, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Atatupeleka katika ile inchi na atatupatia yo. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ni inchi nyamba kuna kuwa asali na maziwa. Seulement, il a tout. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Musiwe watombo kimbele ya wamilele. Et ne craignez point le gens de ce pays. Na musiogopi watu wa inchi hii. Car ils serviront de pâture. Kwa sababu batakuya kama chakula kwetu. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. Awana na kivuli ya kuweza kuwafinika. L'Éternel est avec nous. Bwana ni pamoja nasi. Ne les craignez point. Musiwa ogopi. Amen. Amen. Le sous-thème de ce matin bien-aimé. Kishina kietu ndogo wapendwa. Se vaincre la vie par la connaissance de Dieu. Vaincre la vie par la connaissance de Dieu. Upata ushindi mu maisha kupitia ufahamu wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Nous venons de lire les textes dans Nombre 14, 1 à 9. Tunasoma mustari yetu mwesabu sura ya 14 mustari wa kwanza paka 9. On parle d'enfant d'Israël qui murmurait. Kwenye bana tuzungumuzia watoto wa Israël walikuwa wakinona nona. J'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble pour d'où est venu le murmure. Na tunapenda tuelewe sisi sote pamoja ile kunona nona kunatokea wapi. L'histoire commence un peu plus loin. Na historia inanzia juu kabisa. Dans Nombre 13, nous n'allons pas lire parce que le texte est long. Mwesabu sura ya 13 tutasoma usomi na kwa mrefu. Il s'agit du peuple d'Israël qui sont arrivés à la porte de la terre promise qui est Canaan. Toto wa Israël wanafika karibu mulango ya kingilio katika nchi ya Malako. Cette terre était déjà occupée par un autre peuple différent. Hii nchi ilikuwa na taifa ingine walikuwa washakuikala mule ndani. Alors l'Éternel a demandé à Moïse. Na Bwana aliweza kumlomba Musa de constituer un groupe apate kutunga kikosi moja de 12 personnes dont une personne par tribu. Ya watu 12 kwa mtu moja kwa kabila moja. Chose que Moïse a fait. Yenye ambayo Musa aliweza kutii. Il a sélectionné ces 12 personnes. Alichukua watu 12. Il les a envoyés dans le pays de Canaan. Aliweza kuwatuma kupeleleza nchi ya Kanana. Comme espion. Kama wapelelezi. Afin d'explorer ces pays. Juba pate kuchunguza vizuri inchi ili. Ils sont partis. Waliweza kwenda. Pendant plus ou moins 40 jours. Kadiri ya masiku 40. Ils ont effectué la mission. Balienda mukazi iliyopewa. Ils sont rentrés. Waliweza kurudia. L'heure est venue de faire ou de rendre compte à Moïse. Wakati imefika ya kuleta ripoti kwa Musa. Et malheureusement, en donnant le rapport. Kitu kia ole kwa kuleta ripoti. Et qui sont partis comme un seul groupe. We walienda kama kikosi mmoja. Mais en donnant les rapports, deux groupes se constituaient. Mkuleta maripoti inakuwa vikosi mbili. C'est de là on a vu un groupe de 10. Nikuleta tunaona kikosi kimoja kia watu 10. Un autre groupe de 2 qui constituait de Josué et Caleb. Na kikosi ya pili kia watu wawili yenye kuchungwa na Yoshua na Kalebu. En donnant le premier groupe a commencé à donner les rapports à Moïse. Kikosi ya kwanza kikaanza kuleta ripoti kwa Musa. Avec tout le détail qu'ils ont à constater. Na mafasirio yote waliweza kupata muinchi mule. Voilà le pays que nous avons parcouru. Muone inchi tuweza kupeleleza. C'est un pays merveilleux. Ni inchi nzuri. Où coule le lait et le miel. Munakuya maziwa na asari. Mais. Lakini. Là, ce que nous avons constaté. Il est toujours ça qu'on a moulé. On a trouvé de peuples géants. Tunakuta wanefili. Quand on dit géants, donc des guerriers. Batu wapika vita. Et au-delà de ça, on a vu le mirail. Na tuliona ukuta. Par là, bien aimé. Kupitia ile wapendwa. Le murmure a jailli. Na pale kunona nona ukaanza. C'est de là qu'a commencé le murmure. Ni pale palianzishwa kunona nona. Parce que le peuple d'Israël a capté le message des 10 personnes. Watoto wa Israeli waliweza kushikia ile mjumbe ya watu 10. En donnant ce message. Mukuleta hii ujumbe. Le fait qu'ils ont seulement soulevé. Vile tu waliweza tu kusema. Que ce pays est constitué de peuples géants. Ya kama hii mwinchi mnakuya wanefili. Les enfants d'Israël se sont sentis découragés. Watoto wa Israeli wakapungukiwa na nguvu. Et ils ont commencé à pleurnicher. Wakaanza kulialia. Ils ont commencé à se lamenter. Wakaanza kunona nona. Ils ont murmuré. Wakaanza kunona nona. Toute la nuit bien-aimé. Usiku yote mzima. Et ce murmure n'a pas plu. À Dieu. Na kule kunona nona kumufurahisha Mungu. C'est là personnellement je comprends que Dieu est omniscient. Ni pale nelewa kama Mungu anakuwa fasi yote. En sélectionnant les 12 tribus de Juda. Mukuchakula ile makabila mbili ya Yuda. Je pense il avait déjà anticipé. Aliweza kutangulisha mawazo mbele. Pourquoi? Parce qu'il a parcouru pendant l'exode avec le peuple d'Israël. Kwani aliweza kutembea pamoja na watoto wa Israeli. Il savait qu'à chaque circonstance qu'il rencontrait, comment le peuple d'Israël était en train de murmurer. Na mukila jambo bakipiga fasi, watoto wa Israël walikuwa kinona nona. Parce que si seulement ils connaissaient Dieu. Kwa sababu tu kama walimjua Mungu. Ces géants qu'ils ont entendus. Wale wanefili waliweza kushikia. Ne pouvaient pas les décourager. Abangeweza wapungusia na nguvu. Et quand Dieu a compris que avec ce peuple il fallait prendre des stratégies. Wakati Mungu alielewa kama pamoja na taifa sherti kuchukua manamuna ya kufanya. C'est ainsi Joseph comprend qu'il a pu sélectionner 12 tribus. Ni kwani ni pale naona kama aliweza kuchakula makabila 12. Et les conséquences nous venons de les dire tantôt. Na matokeo tunayona sasa hivi. Comment les 10 ont donné leur rapport? Je a watu 10 waleta ripoti yao. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. C'est le même type de comportement que nous arrivons à afficher dans nos vies. Inakuwa ni maali moja moja tunakuwa nayo katika maisha yetu. Où vous êtes sélectionné parmi tant. Mumechaguliwa katikati ya wengi. C'est une grâce. Inakuwa ni neema. Mais comment est-ce que nous faisons rapport si on est sélectionné par Dieu? Je tunafanya ripoti wakati Mungu ametuchakula. Chose que on a constaté le murmure qui a coûté très cher au peuple d'Israël. Kitu tuliona kuna nona iliweza kuleta mambo ya nguvu katikati ya watoto wa Israeli. J'aimerais vous exhorter bien-aimés. Napenda kujisubutisha wapendwa. Quand nous écoutons. Wakati tunashikia. La masse, la majorité. Kusikia kikosi ya watu wengi. Parce que des fois nous vivons dans nos familles, dans nos sociétés, dans l'environnement auquel nous évoluons. Tunakuwa tunaishi katikati ya watu na mazingira yenyewe tunakuwamo. On nous donne ou nous rencontrons toujours des rapports. Tunakuta ma ripoti ya kuachana. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Sisi kama watoto wa Mungu. En écoutant ce genre de rapports. Mukushikia ma ripoti ya vile. Quelle attitude que nous prenons? Ni hali gani tunakuwa kanayo? Murmurer comme les autres. Kunonanona kama wengine. Je ne pense que ce n'est pas évident. Il est sio kitu kizuri. C'est de là le deuxième groupe qui est constitué de Josué et Caleb. Na kikosi kia pili kimetungwa na Yoshua na Caleb. Si nous lisons dans le nombre à partir de 5. Tukisoma Esabu. Nombre 14, 5. Esabu sura ya 14 mstari wa 5. Si on peut nous mettre pour relire ça. Banaweza kuturudishia hayo. Moïse et Aaron tombèrent. Alafu Musa na Aruni wakaanguka kifundifundi. Sur leur visage. Bele ya mkusanyiko na juu yao. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Katikati ya makutano ya watoto wa Israeli wenye kusanyika. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun. Na Yoshua mwana wa Nuni na Caleb wenyewe walipeleleza inchi. Et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements. Na Caleb mwana wa Yefuna wakapasula mavazi yao. Bien-aimé Caleb et Josué. Caleb na Yoshua. C'est parmi les hommes qui connaissaient bien leur Dieu. Ni katikati ya bantu walijua wabo Mungu. Parce qu'ils ont marché avec Moïse. Kwa sababu alitembea na Musa. Ils ont vu comment Dieu les a traverser devant les obstacles. Baliona vile Mungu alibatambusha mubikwazo. Que ça soit la mer rouge. Iwe bahari nyekundu. Que ça soit le Jourdain. Iwe Yordani. Que ça soit dans les déserts. Iwe katika jangwa. Ils ont vu comment Dieu s'est vraiment a pris en charge le peuple d'Israël. Waliona vile Mungu alibeba taifa ya Israeli. C'est ainsi qu'ils se sont révoltés. En déchirant leurs vêtements. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le rapport que les 10, le groupe des 10 a donné. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je vous demanderai. D'être du bon côté de l'histoire. Parce que nos deux bien aimés ici. Naona upendo hapa. Ils connaissaient bien le Seigneur. Walimjua Bwana. Et ils avaient vraiment confiance au Seigneur. Walikuwa na tumaini mbele ya Mungu wao. C'est pour cela ils se sont révoltés. Ni kwa maana waliweza kutomboka. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Walisema nini? Ils ont vu dans ce pays une opportunité. Baliona katika inchi ile wakati nzuri. À la place où les autres ont vu l'impasse. Mufasi ile bengine baliona kama kuna njia. Et si Dieu était de leur côté, kama Mungu alikuwa kupande wao, ils vont vaincre. Watapata ushindi. Ils vont récupérer ces pays. Batachukua ile inchi. Parce qu'ils avaient la foi. Kwa sababu walikuwa na imani. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Il nous arrive dans nos vies aussi. Inatufikia kama maisha yetu pia. Où nous sommes confrontés à beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés. Kule tunajikuta mbele ya magumu mingi. Qui sont extrêmes. Mais quelle est notre façon d'appréhender ces problèmes? C'est murmurer, pleurer, tout en oubliant tout ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Je ne pense pas que c'est une bonne méthode de prendre les choses. Tel que nous sommes là, personne ne peut me dire le contraire que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Personne, je dis personne. Dans nos vies, Dieu a toujours. Il y a un moment de notre vie que Dieu a eu à faire quelque chose dans ta vie. Et pourquoi, lorsque tu rencontres une épreuve sur ton chemin, directement tu commences à murmurer? Pour votre information, nous venons de les lire. Le murmure, Dieu ne le tolère pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire de tout notre mieux pour connaître notre Seigneur. Afin que si nous nous retrouvons devant tel obstacle, telle épreuve, nous savons prendre la part des choses. Amen. Amen. C'est l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons entreprendre. En faisant cela, je pense Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, il met toujours mis à part ceux-là qui les connaissent. C'est le cas de Josué et Caleb. L'histoire est très longue. Nous savons la suite de Caleb et Josué. Dieu les a mis à part parce qu'ils les connaissaient. Ils avaient la foi en Dieu. Ils savaient de quoi Dieu est capable. Ils sont parmi les 12, les deux seuls qui savaient que les géants ne représentaient rien devant l'Éternel. Et ils ont eu une récompense énorme. De toutes leurs générations, ils sont les seuls qui ont vu, qui ont traversé Canaan. Tel est notre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre aussi nos dispositions à notre niveau. Il ne faudrait pas fléchir ou se décourager devant quelques difficultés que nous rencontrons dans la vie. Nous devons tous savoir qu'à un certain moment de notre vie, Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous allons marcher avec lui, pour savoir si nous allons arriver là où il nous a promis. C'est pour cela, bien aimé, pour vaincre dans la vie par la connaissance de Dieu, nous devons à un certain moment prendre des positions fermes. On peut lire toujours Nombre 14, 6 à 9. Où nous voyons l'attitude de Josué et Caleb. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, on continue, c'est jusqu'à 9. Et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Niite nyamba mnakuwa maziwa na asali. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendo ndani ya Bwana. Pour Josué et Caleb. Yoshua na Caleb. Ils ont eu à conclure que ces géants. Baliona kama au anefili. Nous servirons des pâtures. Watakuya kama chakula yao. One kimo ya ufahamu ya Mungu ile walikuwa nayo. Leurs ennemis serviront des pâtures. Ma wadui wa. Plutôt ce qui faisait peur. Yenye ilikuwa inaleta boka. Pia kama chakula. C'est ça Dieu. Ule njo Mungu. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Sisi kama watoto wa Mungu. Et si nous marchons avec lui. Kama tunatembea pamoja naye. Je ne vois pas pourquoi nous devons avoir peur. Mishone kwa nini tunaweza kuogopa? Aussi longtemps qu'il a marché avec eux toutes ces années. Japo tu aliweza kutembea pamoja nasi kwa ajili ya mwaka mzima. Parce qu'ils ont constaté que les ennemis ou les géants. Waliona kama badui au anefili awa. N'avaient pas d'ombrage. Hawakuwa ki finiko, hawakuwa na kimvuri. De protection. Hawakuwa na ukingo. Mais comment est-ce que eux ils ont pu voir et les autres n'ont pas vu ça? Kwa nini bo wao waliweza kuona lakini hapa bengine bakumi hawakuona hili? Parce qu'ils avaient la connaissance de notre. Kwa sababu walikuwa na ufahamu ya wetu Mungu. C'est ainsi que dans notre marche. Ni kwa maana katika mwenendo wetu. Dans notre façon de faire. Nous devons avoir confiance à notre Seigneur. Tunapasha kuwa na tumaini kwa wetu Mungu. Nous devons avoir la foi en Dieu. Tunapasha kuwa na imani kwa Mungu. C'est lui qui nous a déjà choisi comme ses enfants. Mwenye alituchagua kama watoto yake. Et pourquoi avoir peur devant certaines circonstances? Kwa nini kuwa na boka mbele majira fulani? Je vous ai dit tantôt il y a des épreuves, il y a des obstacles que si tu marches avec Dieu. Nimeambia kama kuna kuwa bikwazo inyeka utembea na Mungu. Tu peux facilement les franchir. Unaweza kuyatambuka. Par conséquent. Kwa matokeo. Que tu peux avoir de géants sur ton parcours. Unaweza kuona banefili munjia yako. Le géant peut constituer, ça peut être des maladies, des difficultés, des problèmes familiaux. Inaweza kuya ni magonjwa, matatizo, mambo majama. Chacun de nous connaît son géant sur son parcours. Na kila mtu anajua nefili munjia yake. Mais ta présence, je vais te dire aujourd'hui dans ces lieux. Napenda kuambia kama uwepo wako leo. Je veux que tu aies cette certitude. Napenda uwe na ile uhakika. Que le Seigneur que tu es venu chercher ce matin. Ya kama Mungu mwenyewe uko tembelea asubuhi ya leo. Il peut briser, écarter tous ces géants sur ton chemin. Anaweza kuondosha ile manefili munjia yako. Ayons la foi au Seigneur. Tuwe na imani kwa wetu Mungu. Faites-nous violence de marcher toujours avec lui. Tujifanye jeuri ya kutembea paka na Mungu. Vous aurez toujours gain de cause. Na mutapata sababu. Amen. Amen. Nous allons lire toujours dans. On peut relire, ça nous permet de mieux avancer. Nombre 14:5. Ça, c'est nous voyons la pouvoir, l'humilité de Moïse. Apa tu na penda kuona unyenyekevu wa Musa. Dans 14:5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Musa na Aruni wakaanguka kifundifundi. En présence de toute l'assemblée réunie. Mbele ya makutano yenye kusanyika. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Moïse est l'homme avec qui Dieu parlait de bouche à bouche. Musa ni mtu anyambali kwa kizungumza na Mungu. Face à face comme ça. Uso kwa uso. Comme l'homme parle avec son ami. Gisi mtu anasemaka na rafiki wake. Il y avait une amitié vraiment intime avec Dieu. Kulikuwa urafiki wa nguvu pamoja na Mungu. Et c'est avec Dieu que c'est avec Moïse que Dieu s'est révélé avec toutes ses attributs. Na ni kwa Musa Mungu aliweza kujifunulia na maatua yake yote. Observez la grandeur de cet homme. Muone bukuwa ba huyu mtu. Et quand le messager ou les espions ont commencé à donner les rapports. Na wakati wa wapelelezi waliweza kukutia kuleta maripoti. Moïse et Aaron se sont humiliés, ils n'ont pas réagi avec colère. Musa na Aruni baliweza kujishusha bakutende kwa ukali. Parce qu'il a hissé le peuple auquel il avait affaire. Balijua kama ita ifa wanakuya mbele yayo. Il a parcouru de l'Egypte jusque là où ils sont arrivés. Wanatoka Misri ti kufika pale balikuwa. Il savait que ce peuple avait un comportement enfantin. Bakwama ita ifa ilikuwa na kutenda kumwa kama kwa butoto. Parce que réfléchissons un peu. Tufikili kwanje. Entre ce qui s'est passé sur la mer Rouge, Jourdain et les géants. Na yote lifanika katika bahari nyekundu na wale wanefili. Qu'est-ce qui qui devait vraiment perturber les enfants d'Israël. Nini lipasha kuvuruka watoto wa Israeli. Voir ce qui s'est passé sur la mer. Kuona tulifanyika pa bahari. Je pense ça devait justifier la grandeur de Dieu une fois pour toutes. Et lipasha tukuonesha bukuwa bwa Mungu tu kunaishia pale. Malheureusement, kitu kia ole. Ce peuple était avait été faible d'esprit. Alikuwa benye abaminie kwa upesi. Parce qu'ils ne connaissaient pas bien leur Dieu. Kwa sababu hakujua vizuri wao Mungu. C'est l'attitude de plusieurs bien-aimés. Inakuwa ni hali ya watu wengi wapendwa. Regarde ton parcours. Angalia mwenendo wako. Regarde d'où Dieu t'a tiré. Angalia kule Mungu anakutosha. Regarde d'où tu es maintenant. Angalia pale wiko sasa. Mais devant un petit problème. Bila ka mambo kaloko. On a fléchi. Tu fléchis. Et nous, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Na tunafanyaka nini kwa zoezo? Nous sommes là dans l'église Source Féconde. Tunakuwa pale mkanisa chemchem la uzao. Tu es confronté à un petit souci. Unakuwa na mambo kidogo. Au lieu de t'incliner et commencer à prier et implorer la grâce de Dieu. Kabla ya kuomba na kutafuta neema ya Mungu. D'habitude. Zaidi. Par manque de la connaissance de notre Seigneur. Kwa kutokuwa na ufahamu ya wetu Mungu. On sort dehors. Tunatoka inje. Commence à chercher les prophètes. Tuanza tafuta wanabi. Commence à chercher les pasteurs qui ont le feu. Tuanza tafuta wapasteur walikuwa na moto. On commence à chercher des églises là où ça bouge. Tuanza kutafuta mabinti ya kuachana chana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu as rencontré un petit obstacle sur ton parcours. Wakati unapatana na kikwazo kiloko munjia yako. Certes, bien aimé dans le Seigneur. Akiko wapendo ndani ya Bwana. Nous devons connaître notre Seigneur. Tunapasha kumjua wetu Mungu. Si tu le connais mieux. Kama unamjua vizuri, il va te mettre mis à part comme il a fait avec Josué. Atakuweka pembeni ngisa alifanya na Yoshua na Kalebu. Laissez-moi vous relater l'histoire d'Abraham. Acha nimeoneshe kwa historia ya Ibrahimu. Si nous pouvons, on peut nous mettre Genèse 22. Banaza tokia ko mwanzo sura kia 12. C'est un texte de 1 à 19, mais nous allons lire quelques textes pour comprendre, voir comment les gens connaissaient bien leur Dieu. Jia kuelewa je watu walikuwa wanamjua wabo Mungu. Après ces choses, kisha maneno haya, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mungu akamjaribu Ibrahimu. Et lui dit Abraham. Akamwambia Ibrahimu. Et il répondit, me voici. Naya kajibu mimi ni hapa. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils. Beba mtoto wako. Ton unique. Mumoja wako. Celui que tu aimes. Mwenye ambayo na yemupenda. Isaac. Isaka. Va-t'en au pays de Morija. Wende kwa inchi ya Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Na pale mutowe katika mazabao ya mulima mumoja nyambayo nitakwambia. On peut nous mettre à partir, on peut nous mettre 16. Watuekeko 16. Et dit, je le jure par moi-même. Ça, c'est Dieu. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Neno la Bwana. Parce que tu as fait cela. Kwa sababu unafanya hiyo. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Na ukunikatalia mtoto wako. Ton unique. Mwenye mmoja. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Takubariki na tajumlisha uzao wako. Comme les étoiles du ciel. Kama nyota za mbingu. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Na kama mchanga nyeku ya kupembeni ya bahari. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Na uzao wako itachukua mlango ya wadui wake. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Mataifa yote ya dunia itabarikiwa kupitia uzao wako kwa sababu uliweza kutii kwenye neno langu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Cette histoire est connue de tous. Historia imejulikana na watu wote. Devant cette position que Moïse s'est retrouvé. Mbele ya hii maneno Musa aliweza kujikuta. Abraham plutôt. Abraham, s'il vous plaît. Ibrahim. À sa place. Pa fasi yake. Moi, je l'ai dit avec sincérité. Mie naisema na uwazi wote. Je vais murmurer. Tanona nona. Je vais me rebeller. Mie tanona nona. Parce que se retrouver devant ce genre de circonstances. Kujikuta mbele maneno kama hii. C'est pas facile. Aina teketeki. Cet homme d'Abraham. Oui, muto Ibrahim. A passé plus ou moins deux tiers de sa vie. Alipitisha sehemu ya sehemu sans enfant. Ya maisha yake bila mtoto. Il marchait dans l'espoir que le Seigneur lui a promis qu'il lui donnerait un enfant. Alitembea mukitumaini ya kusema Bwana alimulaka kumpatia mtoto. Un jour Dieu a concrétisé ses promesses. Na siku moja Mungu ametimiza malako yake. Imaginez. Mufikili. Il a eu cet enfant. Anapata ule mtoto. Mais toujours le même Dieu. Paka ule Mungu moya moya. Lui demande. Anamulomba. De lui offrir cet enfant. Amutowe ule mtoto. Ce qui me pacte dans la vie d'Abraham, c'est de voir les niveaux ou les degrés d'obéissance qu'il avait. Et à l'instant même qu'il a eu cet appel, il n'a même pas consulté sa femme. Ni ses collaborateurs. Voilà. Il n'a pas murmuré. Akunonanona. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Kwa sawa alikuwa anatumaini kwenye Mungu. Très bien son Dieu. Alijua vizuri Mungu wake. Et il a obéi. Na aliweza kutii. Et les conséquences sont très positives. Na matokeo yanakuwa ya mzuri. Nous venons de les lire dans Genèse 1:20 en partie du 16 à 19. Tunasoma Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 19. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. C'est de la sorte ces versets ou ces références bibliques. Hii mstari wala hii kielelezo ya Biblia sont là pour nous édifier nous. Inakuwa pale njoo kutupatia nguvu. Nous exhorter. Kutusubutisha. Parce que le Abraham, le Moïse et consorts. Wa Ibrahim, wa Musa na wengine. C'était les gens normaux comme nous. Ni watu kawaida kama sisi. Il n'y avait pas une qualification pour sélectionner ces gens-là. Akukuye mambo bonjour sema bachakule bale bantu. Seulement ils ont accepté de marcher avec le Dieu. Balitika tu kutembea na Mungu. Telle est notre préoccupation en ce jour. Ijo inakuya mambo yetu siku za leo. À la place de murmurer. Pali pa kunona nona. À la place de pleurer. Pali pa kulia. Faites confiance à notre Seigneur Jésus. Umweke tumaini wetu Mungu. Amen. Amen. Ils sont nombreux. Wanakuya wengi. Il y a autant d'exemples. Mamifane na kuya mingi. Ou de gens qui ont marché avec le Seigneur. Ya watu walitembea pamoja na Bwana. Ils se sont confrontés avec des difficultés. Balikutana na matatizo. On peut illustrer avec un autre exemple de Anne. Tunaweza kupata mfano mwingine wa Anna. Nous avons comment elle était humiliée. Tunaona vile aliweza kushusha kupatisha aya. Il y avait des moqueries tout autour d'elle. Waliweza kumchekelea kwa mbandawaki. Mais elle avait la foi en Dieu. Alikuwa na tumaini kwa Mungu. Elle savait que malgré toutes ces humiliations, alijua kama ingawa kupatisha aya kote, Dieu était un rocher pour elle. Mungu aliweza na kuwa na kimo ya kuweza kumkumbuka. Elle savait que seul Dieu peut abaisser et élever. Anajua kama ni Mungu ndiye anaweza kushusha na kunyanyua. Elle connaissait la capacité de Dieu d'entendre les cris ou les prières. Anajua kimo ya Mungu ya kuweza kusikia maombi. C'est pour cela elle a pris tout son temps en prière. Ni kwa maana aliweza kuchukua wakati yake mingi katika maombi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu murmurer. Kwa nini? Kwa sababu akupenda kunona nona. Elle n'a pas eu à passer son temps en pleurant. Akupitia wakati yake mkuililia. Parce qu'elle savait que le Dieu qu'elle croyait, le Dieu qu'elle connaissait, alijua kama mwenye Mungu aliaminia, c'était un Dieu qui console. C'est un Dieu qui console. Ni Mungu mwenye anafariji. Et c'est un rédempteur. Ni mukombozi. Daniel bien-aimé. Daniel wapendwa. Qui avait le courage. Mwenye alikuwa na kiasi. Malgré le milieu auquel il évoluait. Ingamba face alikuwa akiishi. Un milieu hostile. Face ni kwenye alikuwa mzuri. Où il y avait que des païens. Kulikuwa ni paka wapagano. Mais il avait le courage et la foi. Alikuwa na imani na kiasi. Que c'est Dieu qui contrôle l'histoire des hommes. Ya kama ni Mungu anatazamia historia ya watu. Quel que soit le roi qu'on va mettre au niveau de Babylone. Ingawa face tunaweza kumweka mkimu mtu wa Babylone. Lui avait cette foi. Yari kwa na imani. Que c'est Dieu qui contrôle tout. Ni Mungu anatazamia vitu vyote. Il n'a pas eu le temps de murmurer. Akukua na wakati ya kunona nona. C'est pour cela il a dit même. Jo kama alisema. C'est du peuple. Taifa nyambayo. Qui connaîtront leur Dieu. Wede watamjua wao Mungu. Agiront avec fermeté. fermeté. C'est de la sorte, bien aimé, que nous devons évoluer et avancer dans notre vie. C'est vrai. Ni kweli. Il y a des choses extrêmes que nous rencontrons. Il y a des choses extrêmes que nous rencontrons. Kuna kwa bintu ya nguvu tunakutana nabio. Ça nous fragilise. Binatuchokesha. Ça fait en sorte que nous perdons la foi. Inafanya tupoteshe imani. Mais ce matin, je vous exhorte, bien aimé. Lakini asubuhi leo nawasubutisha. C'est pas l'initiative à prendre. C'est décourager. Aina kizuri kukamata ile hali ya kupungukiwa na nguvu. Regardez les cas illustratifs que je vous ai donné tantôt. Muangalie ma mifano yote tumepatia hapa. Je l'ai dit, ces hommes et ces femmes c'était comme nous là. Ah, watu na wanawake na wanaume ndio wakawa bantu kama sisi. Bien sûr, si vous méditez bien la parole de Dieu. Kama unafikiri mzuri neno la Mungu, vous comprendrez que tous ces hommes étaient des hommes normaux. Mutelewa kama watu wanakuwa kawaida. Dieu a les sélectionné. Mungu aliweza kubachakula parce qu'il les connaissait mieux. Kwa sababu alibajua vizuri. C'est ainsi, bien-aimé. Dieu kama na wapendwa dans la vie. Katika maisha, dans tout ce que nous faisons. Yote tunafanya. Dans tout ce que nous entreprendrons. Yote tunaweza kufanya. Mettez notre Dieu au centre de nos préoccupations. Tuweke Mungu katikati ya mambo yetu yote. À la place de murmurer. Pafasi makunona nona, ça ne servira à rien. Aita tusaidia kukitu. Pour votre information, kwa habari yenu, je le répète, na yarudiriamo, Dieu ne tolère jamais le murmure. Mungu apendake kunona nona. Il a dit à Moïse. Alisema na Musa. C'est la dixième fois. C'est la dixième fois. Kwa mala ya kumi. Donc ils ont autant murmuré. Il a trouvé que c'était une goutte d'eau qui a débordé. Et il a pris des dispositions compliquées, si je peux me permettre de dire. Même lorsque Moïse a essayé de plaider, wakati Musa alipenda kutengeneza, Dieu est resté dans sa décision. Mungu alibakia mumupango yake. Et il a sélectionné. Na aliweza kuchakula. Il a traversé. Alitambuka. Avec ceux-là. Na wale. Qui les craignaient. Wanaanza kumuogopa. Qui croyaient en sa grandeur. Benye baliamini mkubwa wake. Qui savait que c'est lui le tout-puissant et le souverain. Balijua kama yeye ndio mkubwa, yeye ndio kwa juu. Telles sont des choses que nous allons prendre comme exemple. Pour éviter de rencontrer le pire dans notre vie. Parce que des fois nous murmurons même pour des petites choses. Ça concerne Moïse et son peuple d'Israël. Prenons l'exemple de notre église parce qu'on est restreint là. Les visionnaires donnent quelques dispositions. Mautari moja fulani. Tunaenda kumpembeni. On part à côté. On murmure. Tunanona nona. On donne tel on fait tel appel. Unafanya mwito fulani. Tunaenda kumpembeni. On part à côté. On murmure. Tunanona nona. Bien aimé. Wapendo. Ces gens ont murmuré devant Moïse. A watu walikuwa kinona nona mbele ya Musa. Ça affecte directement le Seigneur. Iliweza kumfikia Bwana. Je ne sais pas si vous me comprenez là-dessus. Mimi je ramenyelewa pale. Parce que ce qu'on donne comme récit dans Nombre 14:1-9. Et tunatupatia kama usomi Hesabu 14. Ça concerne le peuple d'Israël. Inaelekea taifa Israeli. Ce que je viens de donner comme exemple. Inaleta kama mfano. Ça nous concerne, nous peuple de source féconde. Inatuelekea sisi taifa chemchemu la uzao. Je vous dirai, je le répète et je le redis une fois de plus. Je commande mina yasema na kuyasemulula. Pour qu'on puisse graver ça à nos cœurs. Ili tupate kuyachapa kwa mioyo yetu. Que nous devons arrêter de murmurer. Tuache kunona nona. Croyons à notre Seigneur Jésus. Tuaminie kwa wetu Mungu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Nous devons savoir que les gens qui murmurent. Tunapaswa kujua kwamba benyewe unanona nona. Ne connaissent pas bien Dieu. Hawamjui Mungu mzuri. Et n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Hawana nafahamu nzuri pamoja na Bwana. Et nous devons aussi gérer les voix que nous écoutons. Na tunapaswa kuchunga vizuri maimani yetu, masauti yetu tunasikia. On dit toujours que la majorité n'a jamais eu raison, je pense. Na kama watu wengi hawakaleke pana sheria. Et arrêtons de suivre la voie de la majorité. Tuache kufuata sauti ya watu wengi. Ça nous induit toujours en erreur. Inatupelekaka makosa. Ça nous éloigne de notre Seigneur Jésus. Inatuweka pembeni na Bwana wetu Yesu Kristo. Et à un certain moment, le peuple d'Israël, wakati moja fulani taifa Israeli, ont manifesté cette intention de retourner en arrière. Waliweza kuonesha ile hali ya kurudia tena nyuma. Bien-aimé, le Seigneur t'a déjà délivré. Bwana anesha kuwafungula. Il t'a tiré dans la famille auquel tu étais, toi-même tu connais. Anakutosha mu famille, mu jamaa mlo ilikuwa mnyo na jua. Il te ramène là où tu es aujourd'hui. Anakupeleka pale wiko leo. Puisque tu viens de rencontrer une petite difficulté. Kwa sababu unakutana na kama tatizo tu kaloko. Tu commences à regarder en arrière. Unaanza kuangalia nyuma. C'est pas une solution bien-aimée. Aina jibu wapendwa. Nous devons grandir en esprit et connaître mieux notre Seigneur. Tunapasha komia mukiro na kumjua vizuri wetu Mungu. Parce que à regarder en arrière, kuangalia nyuma, c'est comme si tu veux appeler tout ce que tu avais comme mauvais comportement, mauvaises habitudes, tout. Tu veux retourner dans ce monde-là. Unatafuta kubeba bile biote vya zamani ulikuyaka nabio. Évitons cela bien-aimé. Tukatale ile wapendwa. Faites un effort de connaître mieux notre Seigneur. Tufanye nguvu ya kumjua vizuri wetu Mungu. Et il te donnera toujours la joie dans ta vie. Na atakupatia furaha katika maisha yako. Même si tu vis aujourd'hui dans l'humiliation. Hata kama unaishi leo mkushushwa. Même si tu es en train de rencontrer les difficultés. Ataka mambo tanshana na matatizo. Même si les problèmes te perturbent à l'instant. Ataka mambo inakuvuruka. Même si. Ingawa. Mais je vais t'exhorter à cet instant. Minta kusubutisha mwi wakati. Que le Seigneur. Ya kama Bwana. Celui le maître de temps. Niye mwalimu wa nyakati. Et des circonstances. Na majira. Faisons confiance en notre Seigneur. Tumweke wetu Mungu tumaini. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. J'aimerais en premier lieu qu'on se tienne debout pour prier. Napenda tusimamie kwa kuimba juu ya kuweza kuomba. Il nous est arrivé tous sans exception. Inatufikiaka shebote bila ubabuzi. J'ai la certitude. Ni ukweli. Que nous avons murmuré. Ya kama tuliweza kunona nona. Même pour des petites choses. Atajua tubintu tuloko. On a murmuré. Tuli nona nona. C'est pour cela cet instant. Jo kwa maana kwa hii wakati. Comme il est miséricordieux. Savile Mungu anakuwa wa rehema. Demandons-lui pardon. Tulombe masama. Tumwambie usema que certains murmures. Mwambie kama kuna nanona kwingine. C'est par manque de ta connaissance. Ni kwa ukosa tu ufahamu wako. À partir d'aujourd'hui. Kwanza leo. J'arrête. Minaacha. Quelles que soient les difficultés. Ingawa matatizo. Quelles que soient les épreuves. Ingawa bipimo. Je sais comment m'en tenir. Je najua je kujiongoza. Au lieu à la place de murmure. Kuliko kwa mtu wa kunona nona. On peut prier. Et demander pardon à notre Seigneur. Tunaweza kuomba na kulomba masama mbele ya wetu Mungu. Comme Josué et Caleb. Kama Yoshua na Kalebu. Dieu les a mis à part. Mungu alibaweka pembeni. C'est ainsi que je vais vous demander aussi. Ni comment taweza kuwaomba? D'être du côté de bonus de côté d'être du côté je m'excuse d'être du bon côté de l'histoire. Kuya kungambo nzuri ya historia. Comme Josué et Caleb. Kama Yoshua na Kalebu. Prions, intercédons pour nous, nos vies. Tuombe, tupate kuombea. Que parmi tant, que parmi tant, katikati ya wengi, que je sois sélectionné comme Josué et Caleb. Nichakuliwe kama Yoshua na Kalebu. C'est faisable si tu connais bien ton Dieu. Inawezekana kama unajua Mungu wako. Prie bien aimé que Dieu puisse te mettre mis à part aussi. Omba mpendo ile Mungu akuweke pembeni. Tuombe mujina la Yesu. C'est lui-même Dieu qui met sur notre chemin. Ni mungu kaka munjia yetu. Pour que sa gloire puisse se manifester. Ili utukufu yake yonekane. Parce que quand les autres ont traversé, ont accédé dans le pays promis. Na ni vile wengine waliweza kutambuka mwinchi ya malako. C'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Ni vile utukufu ya Mungu liweza kuonekana. C'est ainsi que j'aimerais t'exhorter bien-aimé. Ni kwa maana napenda kusubutisha mpendwa. De prier à l'instant. Ya kuomba hapa sasa. Que quel que soit le degré des épreuves que tu te trouves sur ton chemin, inga kimo ya bipimo binaweza kujikuta munjia yako, que Dieu te donne cette force, Mungu akupatie ile nguvu, cette capacité, uwezaji de résister et de prier, ya kushikamana na kuomba, enfin, ensemble avec son esprit, pamoja na roho wake, pour accéder de l'autre bord, juu ya kutambuka ngambo. Prions bien aimé, tuombe jina la Yesu. Bien-aimés de Dieu, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire: Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir interpellés. Nous élevons nos voix et nous disons merci à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parole est tombée. Nous venons de t'écouter parler. Tu as parlé à nos cœurs. Nous t'avons écouté, Seigneur. Fais-nous grâce. Oh,

Nous inclinons nos têtes et nous prions pour les offrandes. Seigneur Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple qui t'a adoré avec ce qu'ils ont eu. Bénis chacun de nous, bénis la main de celui qui a donné. Souviens-toi de cela qui manque. Nous voulons, Seigneur, que ces offrandes puissent te servir. En ton nom, Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Nous disons amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Avant la communication, nous voulons accueillir les visiteurs qui sont là parmi nous. Si c'est votre première fois de prier à la source féconde, de là où vous êtes, vous pouvez juste lever la main. Nous allons vous accueillir dans la maison de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Y a-t-il des visiteurs? Quelqu'un qui est là pour la première fois? Tiens-toi debout, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère. Nous pouvons les saluer avec joie dans la maison de Dieu. Nous pouvons les encourager. Est-ce que nous pouvons saluer nos bien-aimés avec joie dans la maison de Dieu? Amen. Nous vous disons que nous vous aimons beaucoup. Après culte, vous allez vous avancer ici devant. Il y a une équipe d'évangélistes qui vont s'entretenir avec vous. Pendant qu'ils sont en train de se rasseoir, nous les acclamons encore une fois de plus. Bien-aimés de Dieu, nous donnons le programme de la semaine. Chaque jour ici chez nous à l'église, de lundi jusqu'à vendredi, de 6h jusqu'à 7h, nous avons prière matinale. Kila shiku apape tupakanisa, kwanza lundi, kufika vendredi, tunakuwaka na maombi ya prière matinale, ikunaanza 6h, inamalizika 7h juste. Ni prière ya batu bote. Le même lundi, à partir de 16h30 jusqu'à 18h, tuko na rencontre ya ma secteur. Secteur yetu ya 40 maisons et quartier Zout, beko na di rencontre kwa papa diacre Olivier Kibwe. Secteur SNCC et UCS, beko kwa frère Kadiata. Secteur quartier mission 1, chez papa Eric et maman Fifi. Secteur quartier mission 2, rencontre chez papa Jules Niembo. Je crois bien que papa a représenté ma chef de secteur. Il est demandé à tous les chrétiens de l'église Source Féconde de se présenter au secteur. Amen, amen. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement. qui commence à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Enseignement et prière pour tout le monde. Jeudi, nous avons le culte des mamans qui commence à partir de 15h jusqu'à 17h. Sur ce, il est demandé à toutes les mamans de rester après le culte d'aujourd'hui. Mama Mabote, Kishankundi, Mutabakia, Kumuisho, Kuko, Communication, Na Masungumuzo. Vendredi, nous avons notre culte de prière et jeûne qui commence à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Samedi, 7h30 jusqu'à 8h30, il y a intercession ici chez nous à l'église. Et de 8h30, de 9h jusqu'au-delà, il y a évangélisation. Alléluia. Dimanche comme aujourd'hui, il y a JPC après-midi. Donc il est demandé à tous les jeunes de se rencontrer. C'est samedi. Ok. Donc je m'excuse. Samedi, il y a JPC, rencontre de tous les jeunes, à partir de 15h. Samedi. Et dimanche, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de bonnes nouvelles qui est précédé par l'intercession d'ensemble. Il y a intercession chaque jour à partir de 8h jusqu'à 8h30. Nous commençons l'intercession de tous les servantes et serviteurs. De 8h30 jusqu'à 11h, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je ne sais pas si nous pouvons encore célébrer notre Dieu avec des acclamations. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Les mamans restent après culte. Nous invitons l'ancien Christian pour la prière et la clôture de notre culte. Nous signalons que chaque mardi à partir de 17h, il y a prière des serviteurs, les anciens, les diacres et tous les serviteurs à l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Yesu Jina Inapita Ila Jina Dunia Nipo Yesu, Yesu, jina hilo nalitia shangwe na furaha. Yesu, jina la Yesu. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as choisi ta parole pour nous réconforter, pour nous donner la force, pour nous donner le courage. Et ce matin, je suis dans la joie parce que je sais que tu as une récompense énorme que tu réserves à ton peuple. Oui, Seigneur, il y a une récompense pour mon frère. Il y a une récompense pour ma sœur. Il y a une récompense pour cette église. Et ce que tu nous demandes, c'est de nous mettre à part pour vivre cette récompense. Oh, que ton nom soit béni. Nous continuons de croire que cette année, tu vas accomplir de grandes choses dans nos vies. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. C'est pourquoi nous te recommandons ce dimanche. Nous te recommandons ce week-end. Nous te recommandons le berger de cette église et sa maison. Nous te recommandons le travail et tout ce qui est attaché à nos vies. Que ta récompense commence à s'attacher à la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth, guéris les malades. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont besoin de toi, Seigneur. Bénis-leur et que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, nous te prions. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te prions. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Libéré de la prison des ennemis, je suis sauvé. Yahwa longoli ngana boloko ya banguna nana ojelanda. Yerusalem, kusakumwa kanawe, bakuya kimbani bazelu wajijila. Yerusalem, kusakumwa kanawe, bakuya kimbani.